Johnny Sive, le Star System sur Fun Radio. Toute copie est impossible. Vous avez regardé la montre, les enfants, et oui, le temps passe vite, il est déjà minuit, nous sommes jeudi, donc dans moins d'une demi-heure, ou une demi-heure au grand maximum, ce seront les débats de Gérard, un débat qui portera sur la chirurgie esthétique et le premier sur le Festival de Cannes. Voilà. Et justement, en parlant de Gérard, nous avons un petit peu remis le point sur les barres sur l'été et tout ce qui suit, hein, GG, nous avons fait une petite réunion avec toute l'équipe, à savoir Manu, Apolline, Rigaud, Fildar, toi-même et votre serviteur qui était derrière la caméra, puisque nous avons pris des images également de cette réunion, car il fallait l'archiver. Et si nous avons enregistré cette réunion et filmé, ce n'est pas dans le but d'en diffuser et de se marrer de ça, mais c'est au contraire, hein, Gérard, on est bien d'accord, parce que Gérard cautionne ce que je vais dire. C'était une manière d'archiver et de, comment dire, de confirmer tout ce qui a été dit lors de cette réunion, n'est-ce pas Gérard? Ah ben ça, moi je confirme ce qui a été dit, donc... Non, mais je veux dire, tu confirmes que c'est pour ça qu'on l'a enregistré. Ah oui, d'accord. Mais ça, moi je confirme et je veux pas que ça soit mis sur l'internet. Voilà, voilà, très bien. Alors, on va vous passer un résumé de 5 minutes 30 qu'Olivier de la production nous a remonté de ces 18 minutes de réunion avant l'émission de ce soir. Et dans cette réunion, il y a à la fois des règlements de compte au sein de l'équipe, et c'est également, pour Gérard, c'était la possibilité pour lui de un petit peu de redistribuer les cartes, à savoir de donner des responsabilités à certains et de régler ses comptes avec d'autres, pour que ce soir, tout puisse se passer dans l'harmonie et les couleurs, n'est-ce pas Gérard? Mais moi, c'est simple, ça va être clair et net. Si ce soir, comme tu ne seras pas là, donc tu ouais. seras en train d'enregistrer Technomax. Alors, justement, je vais enregistrer Technomax ce soir, donc, que je ne savais pas, mais je l'ai appris là il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, moi, si je reviens en plein milieu du débat, ça voudra donc dire que j'aurais écouté M6 les débats, et que si je reviens... Ça sera là. Non. Faut pas s'en prendre toujours sur Rigaud, pas sur Rigaud. Non, je veux pas sur Rigaud du tout, c'est sur toi. Ah non, mais moi, attends. Je reviens parce que ça gueule de trop, ça voudra dire que t'as mal géré tes débats, donc j'arrête le tournage de Technomax, qui voudra dire que donc, si je reviens dans les studios, pendant les débats de Gérard, il y aura donc pas de Technomax au mois de juin. Oh non! Alors moi, je préfère tenir prévenir d'une chose. Gérard, t'auras la pression sur M6, parce que M6 va t'appeler. Donc moi, je préfère prévenir d'une chose, faudra s'en prendre à l'espèce de planche à clous, et faudra s'en prendre après Nounours. D'accord. Nounours. Voilà. Alors attention, Gérard, on ne comprend bien sûr, comme d'habitude, jamais rien de ce qu'il dit, puisque tu sors toujours du sujet. Il faudra s'en prendre à toi également. Hein, spécialement. Ah bah c'est toi le responsable. Et les débats de Gérard, c'est qui le responsable? D'accord, c'est peut-être moi, mais qui c'est qui gère les auditeurs? Là-bas. Non, qui c'est le chef? C'est toi. Gueuler que c'est toi le chef pendant le jeudi. Donc si je reviens pendant les débats, c'est-à-dire que j'aurai annulé Technomax. Donc il n'y aura pas de Technomax à cause de Gérard si je reviens. Voilà, maintenant résumé de ce qui s'est passé tout à l'heure entre 21h15 et 21h45. Les 5 minutes 30 de pur bonheur, écoutez plutôt. Alors bon, on va faire la réunion là. Bah ouais, quand même. Toi déjà, t'es mis... Hors jeu. Toi pour un cent, tu seras au son d'art. Et je te préviens, la première faute que tu vas me faire, je te mets une barbe dans ta gueule. Parce que là, je vais te dire une chose, à cause de toi, Sandy, elle est jalouse. Alors ça, j'en ai marre. Non, mais moi, je vais te dire un truc. Mais moi, j'en ai rien. Attends, pour un cent, tu me coupes pas, d'accord? Parce que moi, si tu continues tes petites sérénades, ouais, Gérard, je t'aime, ceci, cela, pour un cent, t'es en train de mettre jalouse, Sandy. Ah mais ça c'est à toi de gérer, hein, c'est à toi de... Non mais attends, c'est à toi de gérer. Non, c'est pas à moi de gérer, c'est à toi. Ouais. Parce que toi, t'es quoi? Toi, t'es une stagiaire. Pour un cent, t'as fait chier Max. Et à cause de toi, Sandy, on sait pas si elle va venir dimanche. Alors, ok, clair, net, précis. Ce soir, non, pour l'instant, tu me laisses finir. Ce soir, tu vas me perdre jusqu'à 3h du matin, le standard. Ok. Et sans personne derrière toi. La première interloupette, t'écoute pas. T'es naze, t'es mort. T'es foutu, à peau. Mais t'inquiète pas, il y aura pas d'entourloupette. Ouais, t'inquiète pas. Tiens. J'ai bien travaillé. Tiens, comme ça. T'es vraiment macho, Gérard. Elle est même pas capable d'épauler l'équipe. T'as demandé ton contrat, t'as fait chier Max, pourquoi? Pour avoir un contrat. Et tu l'as. Maintenant, t'es pas capable de les épauler. Tu fais chier Manu. Ouais. Tu fais chier Rigaud. Et tu fais chier Pildar. C'est clair, elle me fait trop chier. Alors maintenant, je te mets les points sur les i, les barres sur les t. Ce soir, t'es jusqu'à 3h du matin au standard, et tu me fais du boulot. Tu me fais pas de boulot, je te jure, je te mets pas 5. Je t'en mets qu'un au premier, t'es dehors. Ok. Oh. Il est hors de question que tu foutes ta merde. Alors explique-moi ce que je dois faire pour que ça marche, quoi. Pour mais que... attends, faire explique-moi. Du bon boulot, faire attends, quoi, tu fais une chose. Déjà, tu sais ce que t'as à faire. Bah non, c'est d'épauler Manu et Pildar. C'est eux qui sont capables. Tu as essayé de comprendre à l'autre ch... là, qui est à côté de toi. Attends, ne me parle pas comme ça, Gérard, sois un peu respectueux. Non. Oh, tu me parles sur un autre ton, d'accord? Tu te calmes. Tu me parles sur un autre ton, d'accord? Elle te parle bien, là. Parle bien, Gérard. Vas-y, regarde-moi pas avec tes yeux doux parce que j'en ai rien à foutre, ok? Mais je te kiffe. Commence, moi, je te kiffe pas, d'accord? Moi, je t'emmerde. Oh, bah, t'es pas sympa. Hein. Tu peux faire un effort, quand même. Donc, premier débat, ça portera sur le Festival de Cannes. Alors, Sida m'a dit que c'était sur les cliniques, Sida, donc t'avais changé au dernier moment. Qu'est-ce que c'était dire, toi? Là, je sais pas ce que tu m'avais dit au téléphone. Déjà, le premier débat sur le Festival de Cannes. Et deuxième débat, donc, tu refais un deuxième débat, je croyais pas, sur la préhistoire. Non. Sur la chirurgie esthétique. Ah, Rigo m'a dit la préhistoire. Ouais, m'a dit la préhistoire. Bah ouais, Apoel m'a dit la préhistoire. Bah ouais, mais tu m'avais dit la préhistoire. Et Apolline, pour un soir, c'est pas toi qui commande dans mes débats, ok? Alors, tu vas faire une chose, tu vas faire de 10h à minuit le standard et après, hop, basta. Ah mais non. Moi je te dis, tu te casses. Ah non. Tu te casseras à minuit. Tu peux me laisser une dernière chance. Non. Ah bah si. Non. Bah allez. Non, y a pas d'aller. Donc il y aura des stars, mais c'est une surprise. Non, mais je veux savoir déjà les noms. On aura Monsieur Mazur, qui sera à Cannes exceptionnellement parce que pour son travail il y est, ouais, et on l'a appelé et il nous a dit ok, je veux bien participer. Pour Algérie parce qu'il le connaît bien. Il y aura Tony qui est parti spécialement à Cannes aussi, voilà. il m'a appelé de là-bas pour savoir si tu voulais bien Tony. Il y a deux questions qui passent les débats. Bah, ça peut je suis désolé. Mais pourquoi parce que je veux pas des habituels. C'est déjà Monsieur Mazur, j'accepte, mais Tony, tout ça, non. Bah si. Alors donc, Apolline, un conseil que je te donne. Écoute bien ce que les auditeurs ont à te dire. Gérard. Pour l'instant, tu me coupes pas la parole, d'accord? D'accord. Mais je t'écoute. Pour l'instant, tu la fermes. Je la ferme, mais je t'écoute. Hein? Là, je vais te dire une chose. Que là, pour l'instant, tu as perdu ton standard. Elle est là, hein? Ouais, elle est là. On le sait qu'elle est là. Celle qui a toujours chaud dans les studios. Non, mais c'est que quand t'es là, Gérard. Oh. Eh, fais gaffe à ce que tu dis, toi, d'accord? Parce que, avec toi, si ça continue, Sandy, je vais la perdre. Mais non. Alors, attends, elle était celle au prix d'hier de vouloir m'embrasser sur la bouche. Tiens, tu te mets comme ça. Si c'est le tien. Alors maintenant, tu vas fermer ta... Et maintenant, tu vas t'excuser devant des millions d'auditeurs ce que t'as dit hier à propos de Sandy. Mais j'étais aux toilettes, je suis pas au courant de ce qui se passe. Quoi? Non, mais attends, tu veux m'embrasser sur la bouche devant tout le monde? Non, je vais le faire. Mais non, c'est à la radio, il y a personne qui le verra. Non, mais attends, et Sandy, qu'est-ce qu'elle croit, elle? Elle croit que je vais sortir avec toi? Mais non. Espèce de... Non, arrête, hop là, voilà, donc c'était un résumé. Hein. Vous vous rendez compte que 5 minutes 30, ça a duré 18 minutes, ça n'a pas été chaud comme ça pendant 18 minutes, mais il y a des moments encore un petit peu plus chauds que celui-ci. On a gardé ce qu'il y avait de meilleur, donc on a, je pense, remis les...